de fées en français. Une lueur d'espoir, deuxième partie. Cela te soulagera de la douleur et t'aidera à guérir. Mais sache une chose, tu ne pourras certainement pas marcher pendant les prochaines semaines, sans parler de te rendre à l'arbre de la vie. Mais il faut que quelqu'un parte, sinon nous sommes tous condamnés. Maman, j'y vais. Tout le monde dans cette pièce était sous le choc. Quoi? Ne sois pas bête. Oui, c'est ce que j'ai dit à ta maman. Maman, tu m'as toujours appris à être courageuse et à tout faire pour préserver la nature. Comment peux-tu ne pas me laisser partir maintenant que le moment est venu? Linda était silencieuse car elle n'avait pas de réponse. Saint Wormwood lui caressa la tête en sortant une carte de sa poche. Tu es courageuse, tout comme ta maman. Si tu es déterminée à y aller, alors garde-la. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte magique. Elle vous indiquera la direction de l'arbre de la vie. Elle vous signalera également le niveau de l'eau à Ice Cup pendant que vous êtes sur la route. Cela vous permettra de rester sur vos gardes en alerte et déterminée. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, mais rappelle-toi, tu ne dois surtout pas la perdre, car dans le cas contraire, tu ne retrouveras jamais ton chemin vers Ice Cup. Mon enfant, tu n'es pas obligée de faire tout cela. Je suis obligée, maman, je le dois. S'il te plaît, prends soin de Zolki pendant mon absence. Je promets de revenir bientôt. Mais, mon amour, tu n'es pas obligée de partir maintenant dans la nuit. Tu pourras partir dans la matinée. Nous n'avons plus de temps, maman. Je dois partir maintenant. Espoir embrassa sa maman et lui dit au revoir. Saint Wormwood lui donna un parapluie magique, tandis que Missus Cherry lui donna un sac rempli de fruits. Lorsqu'Espoir atteignit le rivage de l'océan, elle dit au revoir à Saint Wormwood et commença son voyage. Espoir et son petit radeau affrontèrent les vents violents et les vagues géantes, se rapprochant lentement de sa destination. Elle craignit pour sa vie lorsqu'un ouragan souffla tout autour d'elle et elle tint bon alors qu'elle traversait le tourbillon jusqu'à ce que l'île de l'arbre de la vie soit en vue. Ah! Je suis enfin arrivée! Au moment où elle approchait de l'île, une violente tempête se déchaîna et malgré tous les efforts d'Espoir, elle ne put tenir plus longtemps et fut emportée. Alors que la pauvre Espoir ouvrait les yeux, elle vit qu'elle était sur l'île de l'arbre de la vie. Et la vue de l'arbre la remplit d'espoir. Mais l'atteindre ne semblait pas facile. Elle regarda la carte magique et vit que sa petite ville, Ice Cup, était presque à mi-chemin sous la mer. D'autre part, le réchauffement climatique faisait des ravages sur les calottes glaciaires, les faisant fondre à cause de ces vagues chaudes qui faisaient monter la mer encore plus haut. Oh non! Je dois me dépêcher! Ice Cup n'a pas beaucoup de temps! Déterminée, Espoir commença à marcher vers l'arbre. Des vents froids et vifs soufflaient, mais Espoir ne s'arrêta pas. Je ne vais pas abandonner. Tout le monde compte sur moi. Elle continua jusqu'à ce que le vent devienne si froid que du gel commença à se former sur elle. Le froid glacial commença lentement à la recouvrir complètement et elle commença à geler. Effrayée et glacée, Espoir chercha désespérément quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Lorsqu'elle sentit le manche du parapluie magique que Saint Wormwood lui avait donné. Elle sortit le parapluie et juste avant de se figer complètement, elle réussit à appuyer sur le bouton. Le parapluie s'ouvrit instantanément et une vague de chaleur enleva tout le givre de son corps et elle se sentit guérie. Elle regarda vers le ciel et dit « Merci Saint Wormwood !» Utilisant le parapluie comme bouclier contre les vents froids, Espoir marcha jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin l'arbre de la vie. Le vieil arbre était magnifique, insensible au froid qui l'entourait. Il était d'un vert luxuriant et vivant. Elle s'approcha de l'arbre et dit « Oh, grand ancêtre, écoute mon appel. Je viens te demander ton aide pour vaincre le monstre diabolique du réchauffement climatique. » Celui qui se nomme réchauffement climatique. Qui me réveille de mon sommeil profond? Qui es-tu, mon enfant? Qui a bravé les tempêtes et le froid pour arriver ici? Je suis Espoir d'Ice Cup et je viens vous demander votre aide. S'il vous plaît, sauvez-nous! Je peux t'aider, mais j'aurai besoin de quelque chose en retour. Mais que tiens-tu si fort ici dans tes bras, ma petite? Ça? C'est la carte qui va me ramener à la maison. Sans cela, je suis perdue. Alors, c'est ce dont j'ai besoin. Donne-moi la carte et je détruirai le vilain monstre. Ok. Tiens. Quoi? Tu n'en as donc pas besoin? Ah, mais si je ne le donne pas, je n'aurai pas de maison où rentrer. Alors, tiens. Tu m'impressionnes, mon enfant. Le froid et les tempêtes sont des problèmes mineurs pour les chercheurs, mais c'est l'épreuve où tous les autres échouent. Ils préfèrent conserver leur petit bien-être alors que tu les as abandonnés facilement, sans hésiter. Oui, je vais t'aider. En disant cela, l'arbre de la vie ferma les yeux. Les feuilles bruissaient et des vents rafraîchissants soufflaient lorsque l'arbre atteignit ses enfants du monde entier, les ramenant à la vie. Les plantes devinrent des arbres et des arbres secs reprirent vie. Les amis de Gigi, voyant leurs amis bien-aimés, se sont précipités pour les saluer en quittant les cieux. À ce moment-là, l'énergie du réchauffement climatique s'affaiblit lorsque la température du monde commença à revenir à la normale. Il sombra lentement dans un sommeil profond et ne fut bientôt plus qu'un rocher dans le paysage. Très vite, le monde commença à guérir et à redevenir vert et fort. Tu n'as plus rien à craindre, mon enfant. Tu peux maintenant rentrer chez toi en toute sécurité. Tiens, tu en auras besoin. En disant cela, l'arbre de la vie rendit la carte à Espoir. Elle était ravie. Oh, merci, chère grand-mère. Vous êtes vraiment un être merveilleux. J'aiderai toujours vos enfants partout où j'irai. Merci, mon enfant. Si seulement tout le monde pensait comme toi. Je t'en prie, promets-moi que tu vas sensibiliser les gens du monde entier à bien prendre soin de la nature. Je promets. Espoir et l'arbre de la vie se souhaitèrent bonne chance. Espoir vérifia sa carte magique et vit qu'Ice Cup sortait de l'eau. Elle entama joyeusement son voyage de retour chez elle. Au moment où Espoir atteignit Ice Cup, tout allait bien. Espoir était ravi et les gens l'accueillirent à bras ouverts. Espoir se précipita pour voir sa maman. Maman, tu es là. J'ai eu tellement peur. Mon enfant, je suis si heureuse de t'avoir à nouveau dans mes bras. Tu nous as vraiment sauvés. Tu es vraiment une fille forte et courageuse, Linda. Elle a complètement pris de vous. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Tout le monde rit. Espoir était contente de voir tout le monde heureux et souriant. Plus tard dans la nuit, alors que Linda endormait Espoir, cette dernière dit: Maman, je souhaite partir de Ice Cup. Pourquoi, mon enfant? Tu viens de rentrer. Je ne veux pas que le réchauffement climatique se réveille à nouveau. Je vais donc parcourir le monde et diffuser le message de l'arbre de la vie, maman. Et quel est ce message? Pour protéger ses enfants, les arbres, la seule façon d'empêcher le réchauffement climatique de se réveiller consiste à planter plus d'arbres et non à les abattre. Les villes doivent cesser d'utiliser des combustibles fossiles et utiliser nos amis, les anges dorés, comme source d'énergie, ainsi que les vents violents et les eaux féroces, mais cela aussi avec modération, afin de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs. Si nous faisons cela, nous ne réchaufferons plus jamais le monde. Oh, et tu vas faire tout cela toute seule? Marsh, Tom, Cradle, Johnny et Lindsay veulent également venir avec moi et contribuer à la sensibilisation. Oh, n'es-tu pas la meilleure? Je te souhaite bonne chance dans ton voyage, mais juste pour ce soir, pourquoi ne serais-tu pas mon petit bébé Espoir qui dort à côté de sa maman? Bien sûr, je serai toujours ton petit bébé Espoir. En disant cela, la maman et la fille dormirent paisiblement en se réchauffant le cœur. Tôt le lendemain matin, les anges dorés du soleil descendirent sur la terre. Les amis de Gigi les serrèrent dans leurs bras et tout redevint comme avant. Par son courage et sa volonté de sauver la nature, Espoir a fait ce qu'il fallait et a prouvé que nous devons tous travailler pour sauver la Terre en faisant un petit quelque chose aussi.